Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Christian David ou la mélancolie de l'amour. On sait sans doute que depuis sa fondation par Freud, au tournant du 19e et du 20e siècle, la psychanalyse a énormément évolué, ce qui est tout à fait normal, on pense, devant l'écoulement des décennies. On en avait déjà eu d'ailleurs des preuves avec quelqu'un comme Pierre-Jean Jouve, dont on sait qu'il était l'époux de Blanche Reverchon, une grande psychanalyste freudienne, et lui-même très inspiré par la psychanalyse qu'il avait menée et qui a irrigué toute son œuvre poétique. On en a eu un exemple aussi avec quelqu'un comme Henri Beauchaud. Mais il nous a semblé intéressant d'aller à la rencontre aujourd'hui de quelqu'un comme Christian David, qui est l'une des grandes figures de la société freudienne française actuelle, mais qui, en plus d'être psychanalyste, est à la fois peintre et poète. C'est-à-dire que nous sommes avec lui devant une réflexion extrêmement profonde et où, d'une certaine manière, il a sans aucun doute réinventé la psychanalyse dans la fidélité à l'intuition freudienne première. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas être marqué par son œuvre, par l'ensemble de ses livres, à la fois par exemple sur la bisexualité psychique ou sur l'état amoureux dans lequel il renouvelle énormément ses questions dans une méditation qui va extrêmement profond dans les soubassements de la psyché, qui touche en grande partie à quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, mais de ce que j'appellerais un spirituel laïque, et où en même temps, précisément, Christian David est un poète, il est en même temps un peintre, c'est-à-dire que il a dû s'interroger extrêmement profond et en même temps, il a dû mettre en acte ce qui était les ressorts d'une véritable création artistique. Ich liebe allein die Kleine, die Feine, die Feine, die Eine, die Eine. J'ai le sentiment que on reste tout de même très relié presque d'une manière ombilicale, j'oserais dire, à Freud. En tout cas, c'est mon cas, et j'ai bien le sentiment, bien entendu, que les grands successeurs de Freud, Ferenczi, Abraham, Melanie Klein, Bion, Winnicott et bien d'autres encore, ont creusé la pensée freudienne et ont fait des explorations dans des directions qu'ils n'avaient pas prises ou qu'ils avaient seulement annoncées, mais je vous livre mon sentiment personnel, il n'engage bien sûr que moi, j'ai tout de même le sentiment que l'essentiel reste freudien. Peut-être qu'il y a beaucoup plus d'acquisitions, d'avancées, comme on dit aujourd'hui, réalisées depuis la mort de Freud, disons depuis 1945, que j'ai tendance à le croire. Mais pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment, même s'il est très subjectif, même s'il est erroné, c'est probablement parce que moi, au fond, je suis venu à l'analyse par la lecture de Freud. Et moi, j'ai tout de même l'impression que jamais je n'ai retrouvé, sauf peut-être, mais sous d'autres incidences dans mon analyse personnelle avec Sacha Nacht, je n'ai jamais retrouvé le choc de découverte que j'ai éprouvé en lisant les trois essais, l'introduction à la psychanalyse, la science des rêves, c'est comme ça qu'on appelait le livre avant de l'avoir baptisé l'interprétation des rêves dans la traduction, j'ai vraiment l'impression qu'il y a là quelque chose qui ne s'est pas retrouvé. C'est vous dire que bon, c'est vraiment le côté intuition qui ouvre une voie, qui vraiment dévoile quelque chose qui a été voilé, qui révèle une vérité. C'est ça qui moi, m'a toujours propulsé, si je puis dire. J'ai fait allusion à l'analyse personnelle, qui évidemment, que j'ai faite très tôt. J'étais très jeune, j'ai fait mon analyse entre 54 et 58. C'était court. C'est court aujourd'hui, c'était une durée tout à fait classique à l'époque. J'avais un analyste assez silencieux, pas du tout à la façon rigide de certains lacaniens de la première époque, mais enfin un analyste qui écoutait beaucoup et qui intervenait d'une façon très interprétée, d'une façon très condensée, très laconique. Et alors, je sais qu'au cours de ces années, il y a eu comme ça, pas beaucoup, 3 ou 4 moments, peut-être justement des moments mutatifs, comme on les appelle, où j'ai retrouvé, mais alors de l'intérieur et dans le dialogue particulier, spécifique de la relation analytique, j'ai retrouvé un petit peu l'émotion de découverte que j'avais ressentie à la lecture de Freud. Et évidemment, j'ai découvert, me concernant, certaines choses absolument capitales qui restaient complètement floues, complètement intraduisibles, impensables au sens conscient du terme. Ça, c'est sûr. Alors, si vous voulez bien, Christian David, je vais exprimer d'une manière légèrement différente. Parce que, bien entendu, on voit bien que vous êtes d'une, je dirais presque d'une fidélité inébranlable à Freud. Mais qu'en même temps, il y a tout votre côté personnel. Lorsque je lis vos articles, moi, ça me fait vos livres, ce que vous écrivez, ça m'a fait beaucoup penser, par exemple, au travail de quelqu'un comme Pierre-Jean Jouve, qui était passé par toute une analyse freudienne, on le sait très bien, et en même temps, il y a une sorte de créativité qui fait qu'on ne trahit pas Freud, mais je dirais, on va au-delà de ce qu'on a reçu simplement du texte. Autrement dit, il y a une équation personnelle. Oui, ça, je ne pourrais pas nier. Je suis sûr que vous avez raison, il y a, dans mon cas, et toujours, une équation personnelle. L'évocation de Pierre-Jean Jouve, à la fois me surprend, m'intéresse, parce que c'est un poète, c'est un écrivain, il était un grand poète et il a écrit des romans atypiques, mais qu'on pourrait dire des récits ou des romans, enfin en tout cas des œuvres de fiction, que j'ai lues tardivement. Et en tout cas, je savais que l'analyse a été une révélation et une donnée extrêmement importante de son évolution psychique et spirituelle, ça c'est sûr. À ce titre, votre remarque est évidemment, va certainement droit au centre des choses, mais il m'est arrivé, vous le savez aussi, d'écrire depuis toute mon adolescence, avec des moments d'éclipse, mais enfin, il m'est toujours arrivé, encore maintenant, d'écrire des poèmes. La dimension poétique me paraît irremplaçable, au sens strict du terme poétique, mais Jean Jouve est un poète et un écrivain. Moi, je continue à être essentiellement un analyste praticien, un analyste qui écrit des articles, qui essaye de leur donner une cohérence sous forme de livres. Je discute dans les colloques, les congrès. Je l'ai fait dans le passé. J'en ai perdu le goût, d'ailleurs, très tôt. L'analogie que vous me proposez rencontre une résistance de ma part parce que je pense que, au fond, je n'aurais pas du tout aimé être analyste et qu'il était foncièrement engagé dans son trajet littéraire, dans son expérience spirituelle de la littérature. Et ce qui est poésie et ce qui est goût aussi de l'art et du dessin chez moi me paraît marginal par rapport à cet engagement essentiel. D'émerger, tu fleuris. De te dire, tu lisses mon silence. Plie, lis et pose. Demain au nadir. Mots qui se défont. Éloignement des signes. Enfin une risée. La vie sur le tard s'invagine. doucement la mort. Pensée, freine, ne pas rassire, pain chaud de l'espoir. Rien, la chose, la rose de rien. Fondre et meurt le monde. Baisse-toi, base-toi. Qu'est-ce en toi qui s'escamote? La vie renversée, à la diable à l'amiable. Mère galaxie, les murs aussi renvoient la lumière. Lorsque vous écrivez, lorsque vous dessinez, on voit très bien quel est le rapport effectivement avec cet engagement dont vous parlez. Mmh. Mais en même temps, évidemment, la question se pose de dire pourquoi est-ce que vous écrivez depuis si longtemps, pourquoi est-ce que vous dessinez depuis si longtemps, pourquoi est-ce que vous faites preuve de cette créativité qui dépend de votre analyse, mais qui est quand même dans un terrain un peu décalé. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça m'évoque d'ailleurs la problématique dont j'ai souvent parlé avec mon ami Michel Demuzan, qui a écrit des textes, des nouvelles, on ne peut pas qualifier ces textes de nouvelles. Il a écrit, jadis et naguère, des textes très inspirés de Kafka, marqué par la traversée du surréalisme et par son lien avec Marthe Robert. Des textes que j'ai beaucoup appréciés, que j'apprécie toujours beaucoup. Mais il m'a toujours dit, on est analyste ou on est écrivain. En fait, il a eu la nostalgie d'être écrivain tout en étant psychanalyste, mais il a eu l'impression que ce n'était guère vraiment compatible. C'est une position qui est très discutable, mais elle m'a beaucoup, travaillé. Parce que je me suis dit, et il a tout de même assez profondément raison, parce que le fait d'être pris constamment par le psychisme des autres, d'être dans une sorte de rapport qu'il a comparé à celui d'une chimère avec autrui, c'est-à-dire former une sorte de dyade mentale par l'écoute et la réponse qui vraiment engage tout l'être. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut rester de ressources psychiques pour générer une œuvre littéraire ? Des textes sporadiques, des poèmes, des récits, peut-être. Mais une carrière comme celle, justement, d'un Pierre Janjou ou de tant d'autres, de mise en doute, je partage pour une part son doute. Mourir amarré, vie sans visibilité, mourir à son heure, à point, éteint, sel. Love-toi dans ta propre courbure. Cueillir de seulement effleurer ou effleurer sans cueillir. Se faire de ce qui se défait, de la pelote qui se dévide. Je veille mon chat qui dort. La chaîne des jours se dédore. En avant, et que le sens prenne, la pensée crisse sous l'effort, que l'imprudence improvise. Transpercé, je t'ignore. À la ligne, feu. Ce que j'ai pu moi-même produire dans le domaine de l'analyse au sens assez large, évidemment, ça appartient à une écriture analytique où on sent la nostalgie de la littérature et la présence et la sensibilité à la littérature, au littéraire et à tout ce que d'ailleurs la littérature véhicule d'humain. Mais je ne peux pas considérer que ce sont des textes d'écrivain. Justement, je suis très réticent à me présenter comme quelqu'un qui est écrivain. J'ai écrit, mais je ne suis pas un écrivain. J'aurais peut-être beaucoup aimé, moi aussi, que la vie ait joué en moi de telle sorte que je sois devenu écrivain plutôt qu'analyste. Je ne vais pas dire que je le regrette. Évidemment, il y a une certaine imagerie narcissique de l'écrivain, surtout aujourd'hui, depuis deux siècles, deux, trois siècles, qui fait comprendre l'attrait particulier de cette vocation. Mais même sans parler de ça, je ne regrette pas d'avoir eu plus de 40 ans de pratique, car l'essentiel de la vie d'un analyste, ce sont les heures qu'il passe avec ses patients. Et ce ne sont pas toujours des heures légères, hein. Ce sont des heures difficiles, non pas seulement parce que les patients souffrent ou parce que c'est difficile de les accompagner et de les comprendre, mais parce que ils vous entraînent dans une sorte de dramaturgie humaine qui vous accapare et qui peut vous faire quelquefois... regretter de ne pas avoir une vie moins dévouée, car il y a un véritable de moins dévouée à autrui. Ça, c'est certain qu'il y a quelque chose là de particulier. En tout cas, c'est pour dire que vocation littéraire et vocation analytique sont vraiment deux choses qui restent à mes yeux extrêmement distinctes. Si à soi destiné, pourquoi ? Les paroles parfois se perdent, le chant jamais. Le vrai voisinage de la mort vient de ton corps. Peu à peu, ce monde se déshumanise. La substance cosmique n'est pas assimilable. Pente de l'ombre, verticale du lumineux, et rose déserte, mais ce n'est pas le désert, et le silence prolongé immunise. Chat y boit ce qu'il voit, absorbé par le monde, et moi ne suis-je absorbé, questionnant ce qui m'absorbe, avec l'âge de plus en plus éponge. L'ultime point de fuite ne sera pas intime. Tentez de ne pas moins vivre, même si le vent tombe. Perpétuel unanime éparpillement, incessante dispersion, au jour le jour, à la nuit, ce qui est attendu ne peut faire effraction. Caresse du dedans. La source s'étant tarie, je suis un autre cours. Un patchwork d'instants qui dure toujours. En ce matin d'automne, le jaune du mur s'avive, le grand pan de mur jaune. Le piquant du manque s'émousse, la valse des images se fait moins audible, les rides mentales insensiblement se creusent. Ambre neuf translucide de ce novembre. Si vous parlez d'une vocation littéraire, ou si vous parlez d'un métier d'écrivain, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais que lorsque je lis vos poèmes, par exemple, je me dis qu'on n'a pas besoin d'être un écrivain de métier pour être un vrai poète. Oui, heureusement, je crois que vous avez raison, et il y a beaucoup de gens qui sont poètes, sans écrire d'ailleurs, qui sont des poètes à travers le maniement des couleurs, des sons, des étoffes, des fleurs peut-être, que sais-je. Pour approfondir, il est évident que, étant donné que le langage se situe au cœur de l'analyse comme de la littérature, c'est par le biais peut-être d'une réflexion sur le langage et sa fonction humaine qu'on peut essayer de trouver une sorte de résolution de la question qui se pose à travers ce que vous me dites et qui est extrêmement intéressante. Moi, je crois effectivement que si je peux à certains moments avoir envie d'écrire un poème, que je parviens à traduire quelque chose de l'émoi poétique que j'ai eu en le faisant, ou même que je le développe dans l'écriture même, au cours même de l'écriture, ça a quelque chose de commun avec le travail psychique interne et relationnel que tous mes collègues ont avec leur analysant. Donc il y a une rencontre au niveau du langage, même si l'utilisation du langage évidemment a des finalités complètement différentes. Oui, mais alors justement, pourquoi écrivez-vous des poèmes? Pourquoi dessinez-vous des tableaux? Vous voulez peut-être me dire, mais après tout, pourquoi ? Puisque vous êtes satisfait, somme toute, rétrospectivement, d'avoir exercé ce métier d'analyste, pourquoi est-ce que ça ne vous a pas suffi ? Je ne l'aurais pas dit comme ça. Oui. Pourquoi y a-t-il quelque chose qui exprime aussi dedans ? Je le dirais plutôt de cette manière. Oui, donc il y a quelque chose, et ça vous avez raison, dans le travail quotidien de l'analyste, quelque chose qui ne peut pas combler ce que tente de combler l'exercice du langage dans une perspective littéraire au sens très large du terme. Donc c'est en plus. Ce que vous me dites, c'est que ça ne s'exclut pas, c'est un ajout et ce n'est pas contradictoire. Alors que, en parlant justement des doutes de Musan sur la compatibilité des vocations, j'opposais avec lui le littéraire et l'analytique. Alors, pour être plus personnel, qu'est-ce qui fait que je continue à avoir le désir d'écrire ? Ça, c'est quelque chose qui me fait plonger plus profond. Et là, je pense qu'un homme comme Pascal Quignard, quelqu'un qui a creusé à travers son prisme très personnel et qui est souvent très déroutant, mais a creusé ce genre de questions. Et moi, je pense qu'il y a un noyau d'angoisse absolument universel qui probablement est éprouvé de diverses manières dans les premiers mois, les premières années de notre vie sans langage, hors langage, sauf le langage écouté, environnant, mais qui est simplement une lente initiation à la communication par le langage. Je pense que c'est un fragment de réponse, mais je pense qu'il y a dans ces deux, trois années avant le langage, ou quasiment, des vécus d'angoisse dont nous avons tous souffert à divers degrés, plus ou moins, et ça dépend des circonstances, de l'environnement, il n'y a pas que l'interne, bien entendu, et que le désir d'écrire est un désir de vivre après coup quelque chose de réparateur. C'est là où la vision kleinienne de la sublimation me paraît avoir une certaine vérité, même si elle est trop partielle. Je crois qu'il y a une tentative de ressaisie par le langage de quelque chose qui a été infirme dans le début de notre vie. Alors, puisque vous faites allusion à Pascal Quignard, je vais reprendre un peu un de ces thèmes en vous posant la question, parce qu'on voit très bien comment Pascal Quignard parle souvent de ce jamais, oui, ce jamais qui est l'avant-langage. Oui, jadis archaïque. Voilà, qui est la toute première enfance, et où il y a chez lui cette idée que dans ce jamais, il y a à la fois une grande angoisse et en même temps la nostalgie d'un bonheur éperdu que l'on n'a plus jamais connu. C'est ça. D'ailleurs, il y a certains analystes qui se sont essayés à l'analyse psychanalytique de la nostalgie. Néro, notamment, je me souviens, il y a fort longtemps de ça. Et c'est intéressant parce que c'est une notion bivalente. C'est-à-dire que à la fois, le mal du pays, puisque c'est l'origine du mot, même si ça a pu s'extrapoler, est tout de même douloureux. Le mal du pays, c'est extrêmement douloureux. Mais en même temps, peut-être que c'est un luxe d'homme de culture, mais pas seulement. En même temps, le fait de ressentir et d'exprimer encore plus, soit par le langage, mais par la musique aussi, ou par la peinture, etc., ce mal crée un plaisir. Ça, c'est un certain mystère, peut-être, mais l'expression de quelque chose de douloureux ajoute, ne supprime pas la douleur, mais ajoute à la douleur quelque chose de l'ordre du plaisir. Et c'est cette sorte de mixte que le mot nostalgie recouvre. Et d'ailleurs, par exemple, dans le tango, je crois qu'il y a une formule de Borges, je crois, pour définir le tango. Vous la connaissez, Martine ? Une pensée triste qui se danse. Voilà, une pensée triste qui se danse. Mais c'est une réponse, n'est-ce pas ? Le tango, c'est de la nostalgie en action et en musique. Et en gestuelle. En lisant ce que vous avez écrit sur l'état amoureux, Mais ce que j'ai senti aussi en lisant vos poèmes, c'est qu'il y avait d'une certaine manière, en vous, j'espère ne pas être indiscret, disons, un grand fond mélancolique. Alors c'est peut-être parce que j'ai moi-même des tendances mélancoliques que du coup je le sens. Alors, justement, j'ai commencé, en dehors de mon intérêt pour la psychosomatique, qui a occupé pas mal de mes jeunes années de formation, dont je vous parlais peut-être tout à l'heure. Très tôt, je me suis dit, tiens, pour ma conférence de titularia, je vais parler de l'état amoureux. Je m'en étais confié à Pierre Marty, qui était un de mes proches à l'époque, et il m'a dit, allez-y, personne ne l'a fait. J'ai dit, il y a tout de même des articles de faux, oui, personne ne l'a fait, allez-y. C'était en 66, 67, ça. Donc ça fait 40 ans. Et depuis, alors là, je ne veux pas m'engager dans du trop personnel, trop anecdotique, mais j'ai été amoureux dans mon adolescence assez tôt, très fortement, d'une manière purement platonique, comme à l'époque c'était fréquent, j'avais 13, 14 ans. Donc, d'une façon, pas totalement unilatérale, mais que je sentais comme telle. Et j'ai éprouvé un mélange de souffrance et de plaisir, mais il faut dire de joie et de douleur, enfin quelque chose qui est un peu difficile à exprimer par des mots simples, qui m'a fait me dire « Ah, il faut absolument qu'un jour, j'en parle ». Donc c'était enraciné assez profond dans l'expérience, et puis ça s'est enrichi bien sûr au fil du temps. C'est intéressant que vous me parliez d'être amoureux et de mélancolie conjointement, parce que c'est pas par hasard. D'un côté, bon, l'état amoureux est au début, la mélancolie est au terme, ou quasiment. Mais il y a aussi une conjonction des deux. Et il est certain que l'état amoureux, tel que les romantiques l'ont vécu, tel que Freud a essayé d'ailleurs de l'analyser, implique un vif sentiment du manque, un désir passionné de trouver une cessation, fût-elle très brève, extatique, de suppression de ce manque par la rencontre avec l'être aimé. Et au fond, l'amoureux est un mélancolique qui cherche sa guérison. Oui, mais justement, en suivant votre pensée, peut-il y avoir un quelconque sentiment amoureux qui ne soit pas mélancolique ? Je pense simplement à quelque chose de très simple qui est au Moyen-Âge, donc bien avant le romantisme, on n'est pas du tout dans l'esprit romantique, mais qui est dans la véritable histoire de Tristan Iseut, non pas telle que l'a analysée Denis de Rougemont, qui je pense ne connaissait pas les textes, mais dans les vrais textes médiévaux, on voit très bien que Tristan en fait est un grand mélancolique. Et que cela va forcément, cela va ensemble, je dirais, au-delà même du romantisme, au-delà de ce que nous avons appris depuis deux ou trois siècles. En deçà. Je suis tout à fait de votre avis. Donc, je citais le romantisme comme une sorte d'expression très connue de la passion amoureuse, plus d'ailleurs peut-être à mes yeux dans les leaders de Schubert ou de Schumann ou de Beethoven que dans les écrits de Lamartine ou de Musset qui ne m'ont jamais convaincu de ce point de vue-là. Quand on entend les amours du poète de Schumann, il passe là quelque chose qu'il est très difficile de traduire par le langage verbal d'une façon aussi, enfin à mes yeux, aussi convaincante. Quelques vers de Verlaine, de Baudelaire, peut-être aussi de Jouve que vous citiez, d'Éluard. Enfin, de temps en temps, il y a un reflet qui passe, mais à l'image justement de l'extase amoureuse, c'est quelque chose qui est fragile et fugace. Bien qu'on essaye de le saisir et de l'arrêter. Alors, est-ce que ce n'est pas le problème aussi ? Vous dites c'est fragile, c'est fugace, c'est éphémère. Mm-hmm. Je pense que, par expérience, tout le monde le sait bien. Enfin, je ne sais pas si tout le monde a fait cette expérience. Mais quand on l'a fait, on le sent bien. Mais est-ce qu'en même temps, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de, au sens strict du terme, j'entends bien, de l'éternité, c'est-à-dire de quelque chose qui est en dehors du temps ? Comme s'il y avait une sortie du temps. Ça voudrait l'être. D'ailleurs, justement, ce qu'il y a au fond de toutes ces recherches, notamment à travers l'état amoureux, mais à travers de bien d'autres processus spirituels, c'est au fond une sorte de lutte avec ce cas, avec le dragon du temps. Il y a quelque chose dont Baudelaire a justement très bien parlé, de temps qui nous dévore, n'est-ce pas ? Le temps mange la vie. Bon, ça peut paraître extrêmement trivial et banal si on le prend à la lettre, mais en fait, ça a des résonances extrêmement profondes. Notre vie est une sorte d'auto-dévoration, enfin, non pas d'auto, mais de dévoration par le temps qui est la substance, enfin on l'appelle ainsi, mais le sentiment de la durée, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'appellation, et c'est immanent à notre existence même. Entre le sentiment d'exister et le sentiment du temps, il y a une analogie, une affinité extrême. Bergson disait « il faut attendre que le sucre fonde ». Effectivement, il y a là quelque chose contre quoi on ne peut rien. Et comme nous sommes des êtres temporels, et que nous savons que nous mourrons de ce que nous vivons, au fond, nous essayons tous, même peut-être par la recherche de la vérité scientifique ou philosophique ou autre, mystique, nous cherchons tous à nous arracher à la douleur d'être temporel. Mais en même temps, il n'y a rien d'autre. L'éternité, c'est une extrapolation. Elle est retrouvée, l'éternité, c'est une impression poétique de Rimbaud. Ce n'est pas une réalité. Les mystiques aussi ont le sentiment de trouver Dieu. Moi, je n'y crois absolument pas. Et je pense que toutes les religions, dont l'essor actuel est tellement spectaculaire, le renouveau, enfin, si on peut dire, l'extension extraordinaire, ça va avec justement une sorte de collectivisation de l'angoisse qui n'est absolument pas vivable dans une perspective athée. Absolu hiatus entre le foisonnement où nous nous mouvons et notre future fumée. Pas de commune mesure entre le vif et le mort. Et cependant le rien n'est pas impensable confronté au tout. Notre vie est bordée, notre mort sans bord. Mourir déborde le vivant. Nous mourrons prévenus, mais par surprise. S'entendre sur ce mot d'éternité, parce que je sais que généralement, souvent, l'éternité, on le pense comme un temps indéfiniment long. Non. Philosophiquement, c'est ce qui est de l'intemporalité. C'est d'une autre essence. C'est un mot, et c'est une idée, et c'est éventuellement une expérience que les hommes font, mais c'est même un mot. Ce n'est pas qu'un mot, mais c'est un mot. Y a-t-il quelque chose de l'ordre de l'intemporel et de l'éternel, dont nous ayons vraiment l'expérience? Alors c'est là où les croyants, c'est peut-être là où se divisent les croyants et les incroyants, dans le fond de la question. Moi je crois que l'éternité est dans le temps, c'est-à-dire que nous avons des impressions d'éternité, mais que finalement, ce sont des pointes de l'expérience intratemporelle, et que nous n'accédons pas, même par la vérité philosophique ou scientifique, nous n'accédons pas à ce que nous croyons toucher. Peut-être que le monde, ça c'est ce que pensait Aristote, n'a jamais été créé, qu'il est depuis toujours là. C'est nous qui, du fait de la vie et de l'esprit, vivons ce être-là dans une sorte de devenir. Mais peut-être que c'est une pure façon d'éprouver, par le fait d'être vivant, l'être. Mais l'être, d'ailleurs, sans vie, sans pensée, s'il est éternel, en quoi l'éternité est-elle intéressante? Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes proche de certains poèmes Chan, c'est-à-dire le bouddhisme chinois qui a donné le zen ensuite? Curieusement, quand je me suis mis à dessiner après la mort de ma mère, ça c'est évidemment une corrélation qui m'a toujours frappé, j'ai pris des leçons de dessin comme chacun dans mes jeunes années, mais enfin, je n'avais pas appris à dessiner, et ce que j'ai fait spontanément, qui a pris de plus en plus de forme, a évoqué à beaucoup de gens à qui je l'ai montré, beaucoup, quelques personnes à qui je l'ai montré tout ça, des écritures calligraphiques chinoises et même dans quand je me suis aventuré un peu dans la couleur, quelque chose qui avait beaucoup plus d'affinité avec la peinture chinoise ou japonaise ou extrêmement orientale qu'avec les références occidentales. J'en étais tout à fait surpris. Mais ceci est pour dire que l'affinité que vous semblez avoir perçue ou relevée entre ce que je vous disais autour du mot éternité et mon sentiment des choses, c'est ce que j'ai essayé maladroitement de vous l'exprimer, je pense que vous avez là une pertinence entière. Je vais décrire votre œuvre d'une manière qui va peut-être vous étonner, Christian David, mais j'aimerais revenir à l'état amoureux, parce qu'on a l'impression quand même que dans l'état amoureux, je dirais, l'homme se féminise. Et qu'on touche à certaines des choses que vous avez explorées dans la bisexualité psychique. Oui, là aussi, ce n'est pas un hasard si, après avoir essayé de donner une cohérence à une problématique sur l'état amoureux qui déborde le cadre de l'amour proprement dit dans l'état amoureux, en 70, 20 ans après, j'ai réuni d'autres textes que j'avais élaborés sous le titre « La bisexualité psychique ». Je pense que j'ai d'ailleurs mis sur la quatrième de couverture que le second livre était une suite du premier. Et alors, c'est non pas seulement une suite, mais il y a une articulation que vous relevez encore d'une façon très pertinente et très intuitive entre les deux problématiques. Et au fond, je crois que quelqu'un, un homme, parlons d'abord d'un homme au sens masculin du terme, pas au sens l'exemplaire d'humanité au sens général, un homme qui n'accepte pas une part de son anima, une part de sa féminité, est un homme qui aura de grandes difficultés à vivre pleinement son amour et son état amoureux. Je pense que donc, c'est l'espèce de conjonction du pôle féminin et du pôle masculin de la personnalité, pour parler bref, qui permet un certain abandon, une certaine ouverture, une certaine mort du moi. C'est une des définitions d'Hegel de l'amour. L'amour, c'est la mort du moi. Je crois qu'il faut consentir à être envahi par quelque chose d'autre, quelque chose de l'autre et de l'altérité essentielle de l'autre, pour être amoureux. Et peut-être que ce qui est irremplaçable, justement, dans le fait d'être amoureux, c'est l'impression, est-elle vraie, n'est-elle pas ? Vaine spéculation, sans doute. C'est tout de même l'impression de sortir, enfin, l'extase, c'est ça, c'est sortir de soi, sortir du moi, au sens strict du terme, et accéder à quelque chose de l'autre qui fait, quand c'est réciproque, qui suit le même processus, et cette rencontre dans le non-moi vivant, c'est au fond la fusion amoureuse du couple. Mais justement, est-ce que d'une manière plus générale, je dirais, est-ce que cela ne nous apprend pas que le moi ne se constitue vraiment que s'il admet en lui une part d'altérité ? Je crois que c'est tout à fait... Oui, alors, l'appréhension de l'autre... dont Lévinas a fait l'essentiel de sa philosophie, mais bien avant lui d'autres aussi, c'est un point absolument fondamental. Est-il possible d'accéder à l'autre, de comprendre l'autre, de ne pas être aveuglé par son propre moi, ne serait-ce que par la projection qui est constante chez chacun, concernant ce qui se passe chez l'autre ? Alors, justement, un des propres du travail analytique, c'est de montrer par le biais de l'interprétation du transfert que le patient, dans la situation régressivante de l'analyse, est appelé, est provoqué, dirais-je, à s'imaginer que l'analyste va réagir ou éprouve des choses qu'il s'imagine et qui sont le report de ce qu'il a pu ressentir vis-à-vis de ses parents ou de personnages substitutifs. Le moment où vous pouvez arriver à faire percevoir à l'analysant que ce qu'il dit et qu'il suppose est l'effet de sa projection sur l'analyste impersonnel, pas impersonnel, mais en principe neutralisé, est une illusion et que ça lui revient, ça lui appartient. Il y a là, dès le moment où quelqu'un peut dire « Ah oui, effectivement, ce n'est que moi qui pense ça, ce n'est pas une réalité effective. » Il y a donc une réduction là, interprétative qui permet à l'analysant d'accéder à l'autre. Oui, mais c'était la question que je me posais, c'est-à-dire à savoir que dans notre constitution personnelle, dans notre moi, la découverte de l'inconscient, est-ce que ce n'est pas aussi justement d'abord la perception qu'il y avait de l'autre en soi ? En soi, absolument. C'est pour ça qu'on a fait un sort au « Je est un autre » de Rimbaud, qui était à 100 lieues de penser des choses de l'ordre de la philosophie et de la psychologie quand il a dit ça. C'est une expérience plutôt hallucinatoire ou poétique. Mais enfin bon, il y a en moi quelque chose qui m'anime, qui est là et dont je ne peux pas prendre véritablement la mesure, ni une entière conscience. Ça, c'était évidemment quelque chose qui installe l'altérité au cœur même du sujet. Et au fond, le même est. Le verre de l'autre est dans le même. Sauf qu'il n'y a pas de raison d'employer une formule péjorative comme je viens de le faire et que c'est l'essence. Il y a quelque chose de dit. C'est ce qui a fait aussi le succès de la reprise de l'idée freudienne de clivage, Spaltung, par Lacan dans la forme de la division du sujet. Il est évident que dès le moment où on appréhende que nous sommes des sujets fondamentalement divisés, que l'altérité nous habite et que nous ne sommes pas identiques à nous-mêmes, c'est un pas considérable, angoissant d'ailleurs, mais qui réalise une ouverture aussi, qui est une démarche absolument fondatrice. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Dir, Mai, war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. La chatte au matin blottit tout contre moi. La lumière qui vient, le violoncelle qui chante. Un instant s'irise. Quelques pas sourds n'abolissent pas le silence, ni le chant y laissant un lointain sillage. Même se délestant, devient-on jamais léger ? Seule la liberté de chanter ouvre un champ vraiment libre. Chronos dévorateur, je te donne vie. Ich kann zu meiner Reise nicht wählen mit der Zeit. Muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Pour revenir à ce qui a été l'un de nos sujets de préoccupation, Christian David, est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas là aussi qu'il y a, je dirais, la véritable origine de la poésie, si on le prend au sens réel de poétique, enfin, le verbe poéine grec, c'est-à-dire fabricant, fabriqué. Et est-ce qu'on ne fabrique pas que parce que, justement, il y a ce fossé, si on va dire. Oui, d'ailleurs, au fond, quand on voit comment, après le romantisme, le surréalisme, qui est au fond une sorte de postérité romantique, si on voit maintenant avec le recul du temps, bien des choses que bon, André Breton a voulu théoriser, que les autres ont vécu très différemment les uns et les autres dans leurs œuvres, picturales ou poétiques, c'était bien la survenue du radicalement étranger. Bon, d'ailleurs, sûrement que Breton a été impressionné par le texte de Freud sur l'inquiétante étrangeté, qui a des résonances surréalistes et qui peut très bien justement convenir à certaines expériences suscitées par les surréalistes. Donc, ce que Breton appelait le surréel, c'est l'autre du réel dans le réel, c'est l'autre du moi dans le moi. Et au fond, les expériences amoureuses, telles sont exprimées dans Nadja notamment, c'est quelque chose qui fait intervenir l'irrationalité absolue et la rencontre quasiment miraculeuse baliser l'émotion amoureuse. Mais est-ce que d'une certaine manière, Christian David, on n'est pas amené à ce que vous avez étudié d'ailleurs, qui est un état d'union des contraires, à condition de bien l'entendre tel que l'avait entendu là, celui d'ailleurs qui en était le grand théoricien, c'est-à-dire quelqu'un comme Nicolas de Cuse. Oui, c'est-à-dire que l'union des contraires, c'est l'union de contraires qui restent contraires en tant que tel. Oui. Ce n'est pas une confusion. Oui. Alors, c'est pas par hasard que ce sont les mystiques qui se sont... Nicolas de Cuse, donc, que vous citez, Maître Eckhart, je crois aussi, bon, et d'autres, ont eu le sentiment que ce qui apparaissait comme radicalement différent, comme opposé, n'était pas sans intercommunication possible. Et qu'en tout cas, pouvoir embrasser l'un et l'autre dans un même vécu expérimental, dans une même expérience, c'était faire un saut hors de soi. Alors, le hors de soi est nommé Dieu par beaucoup, encore aujourd'hui. Qu'en est-il de cet hors de soi? Au bout du compte, Freud l'appelle l'inconscient, et il dit d'ailleurs que nous ne pouvons qu'en avoir une appréhension qu'indirecte. Et justement, dans l'inconscient, il n'y a pas de contradiction, dit-il, n'est-ce pas, entre autres, il n'y a pas de mémoire, etc. Ça fait partie de la définition de l'inconscient. Donc, on trouve, mais là d'une façon un peu kantienne, de même que Kant dit « nous ne pourrons jamais appréhender la chose en soi », néanmoins, nous en pouvons en avoir une notion, et le nous-mêmes doit faire partie de la philosophie, mais c'est une perspective qui vraiment là n'est pas mystique, puisque l'union des contraires dont vous parlez, elle se fait dans le ça, mais le moi n'y a pas accès. Ou alors, il n'y a accès que d'une façon totalement indirecte, par le retentissement au niveau du préconscient et du moi et du conscient, de cette sorte d'antagonisme interne qui existe au niveau de l'inconscient et qui se traduit dans la théorie par la dualité, la dernière théorie des pulsions de Freud, l'opposition entre pulsion de vie et pulsion de mort, qu'il a d'ailleurs reprise dans Pédocle, comme il le dit lui-même, dans Malaise. Dass man mich trieb hinaus, lass ihre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht, von einem zu dem anderen, Gott hat sie Thank you. Livre. Pour continuer peut-être sur l'esprit de Christian David, je voudrais signaler d'abord l'ouvrage dirigé par, et écrit d'une certaine manière, par Louis-François de Lys, Choix de poésie amoureuse des Touaregs, aux éditions Le Courrier Bleu. De quoi s'agit-il exactement ? Cet ouvrage vient de la découverte par Louis-François de Lys de toutes les notes qu'avait prises le père de Foucault sur la poésie des Touaregs, à son époque évidemment, au début du XXe siècle, en un temps où la poésie orale était encore extrêmement vivante, et où, d'une certaine façon, il avait noté toutes ces poésies qui sont improvisées, qui sont inventées, lors de ce que, dans la civilisation targhie, on appelle des soirées de cours d'amour, l'arl, où des jeunes gens se réunissent autour du feu de camp, se réunissent en même temps autour d'un violon, et où on assiste à tout un certain nombre de concours de poésie, où on voit voir se développer ce qu'est le sentiment amoureux, très lié en même temps, d'une part, aux croyances religieuses, et d'autre part, évidemment, à l'inscription dans le désert, c'est-à-dire à une sorte d'élévation spirituelle qui se fait comme toute seule, si l'on peut dire, pour ceux qui y vivent. Cette nuit, j'ai couché avec la solitude d'elle. Elle m'est venue en rêve, avec son rire. Clarté de la lune, où sa compagne, Orion, il me plaît de m'approcher de sa bouche. Et puis, je voudrais continuer par l'ouvrage de Federico Garcia Lorca, aux éditions de l'Arche, une nouvelle traduction de sa pièce de théâtre Irma. Dans Irma, que trouve-t-on ? D'une part, et cela nous renvoie bien entendu à ce que disait Christian David, à la notion de bisexualité psychique, qui était celle de Garcia Lorca, même si dans la vie, effectivement, il avait choisi un versant très très clairement, mais au-delà de cette bisexualité psychique, la manière dont ces héroïnes, je dirais, habitent leur phallus d'une certaine manière, et où, en même temps, aussi, on trouve toute la magie de l'Andalousie, qui n'est sans doute pas étrangère à une telle manière de voir les choses ou d'habiter le monde qui était celle de Federico Garcia Lorca, toute la magie de l'Andalousie, où à la fois il y a une sorte de position masculine extrêmement affirmée, je dirais presque de domination masculine, et en réalité, par derrière, une sorte de révérence, pour ne pas dire de crainte, pour ne pas dire d'adoration de la figure de la mère, puisque l'on sait que dans l'ancienne colonisation carthaginoise, on avait cette domination sous la figure de la déesse Anit, que l'on retrouve encore dans des sculptures qui sont exposées, par exemple, au musée de Madrid, celle qu'on appelle la Dalle d'Elche, et qui continue à vivre, même en Andalousie, dans la figure de la Vierge Marie. Il suffit de penser, par exemple, au fameux pèlerinage du Rossio. J'ai été de ces femmes qui vont les jupes au vent. Bien des fois, je suis apparu à l'aube, sur le seuil de ma porte, parce que je croyais entendre le son des mandolines qui allaient et venaient. Mais c'était le vent. Et puisque nous nous sommes intéressés à la création poétique, ou à la création en général, on peut consulter de très très près l'ouvrage de Eduarda Barras Alredo, En soufflant la grâce, avec comme sous-titre « Âmes, souffles et humeurs en Grèce ancienne », aux éditions Jérôme Millon. Cet ouvrage consiste d'abord dans une réflexion extrêmement érudite, extrêmement profonde en même temps, sur la notion de ce que, pour les Grecs, était le pneuma, le souffle, qui a donné notre pneumatique aujourd'hui, et on sait très bien qu'il y a tout un ensemble sémantique qui fait que l'âme renvoie à l'anima, qui est proche de l'anémos grec, c'est-à-dire le vent, et que, à la fois l'inspiration, à la fois la vie, à la fois la semence, d'une certaine manière, tout était relié précisément à cette notion de souffle, qui n'est pas très loin de ce que l'on trouve aussi dans la Bible, lorsque l'on voit Dieu, par exemple, insuffler les narines d'Adam afin de pouvoir le faire vivre. Et on retrouve aussi des mythologèmes de base, puisque dans ce lien entre le souffle et la semence, on peut penser à ces tribus indiennes d'Amérique du Sud, dans lesquelles on considérait que les femmes pouvaient être engrossées par le vent, effectivement, et qui a donné lieu à toute une rhétorique que l'on va trouver ensuite dans toute notre philosophie sur ce qu'on appelle le logos pneumaticos, le logos qui est inspiré par le pneuma, effectivement, que l'on va traduire aussi bien par logos spermaticos, le logos qui a trait au sperme, et que en philosophie, on a traduit par les raisons séminales, mais je pense que dans séminales, évidemment, tout le monde entend de quoi il s'agit. Tu n'es plus la fleur à la peau délicate de jadis. Elle est déjà sillonnée par les rides, et le poids de la mauvaise vieillesse s'abat. Le doux désir s'est échappé de l'aimable visage, car de nombreux souffles de vent tempétueux se sont déjà abattus sur toi. Enfin, en changeant totalement d'horizon, je voudrais attirer l'attention sur l'ouvrage, l'étude, la somme, d'une certaine manière, de Claire Petit-Mangin, Le chemin du milieu, aux éditions d'Hervy. De quoi s'agit-il au juste, si ce n'est d'une introduction à la notion de vacuité dans la pensée bouddhiste, et dans la pensée bouddhiste indienne. Car évidemment, nous avons aujourd'hui beaucoup trop tendance à oublier que le bouddhisme a d'abord été une réforme interne, une contestation finalement de la religion indienne d'origine, c'est-à-dire du védisme, et que ce n'est que beaucoup plus tard que le bouddhisme s'est répandu, par exemple au Tibet, ou en Chine, ou dans l'Asie du Sud-Est, pour atteindre jusqu'au Japon. Et là, on prend conscience à travers cette étude de Claire Petit-Mangin et tous les textes qu'elle cite, que d'une part, il y a cette négation fondamentale de l'atman, que nous avons parfois tendance à oublier, de l'atman qui en sanskrit veut dire précisément le souffle, mais qui est en même temps l'identité de l'âme humaine avec l'âme divine, avec le tout de la divinité, et où, d'une certaine manière, nous nous inscrivons dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le bouddhisme Madhyamaka, et bien entendu le titre lui-même l'indique, puisque le chemin du milieu renvoie au traité de la voie moyenne de ce grand philosophe indien, de ce grand philosophe bouddhiste en même temps, qui était Nagarjuna. Dès lors qu'il y a non-pensée, non-discrimination, vacuité, fluidité, pureté, vigilance, que l'on soit assis, debout, couché, tout phénomène est l'incité. Si ces paroles vous semblent inaccessibles, lorsque vous serez assis face au mur, un matin de printemps, alors que le jour se lève, au chant d'un oiseau joyeux, voyez par vous-même, c'est cela. Les livres aujourd'hui, un choix de poésie amoureuse des Touaregs, dirigé par Louis-François Delisle aux éditions Le Courrier Bleu, une nouvelle traduction de Yerma de Federico Garcia Lorca aux éditions de l'Arche, En soufflant la grâce de Eduarda Barra Salcedo aux éditions Jérôme Millon et Le chemin du milieu de Claire Petit-Mangin aux éditions d'Hervy. C'était Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Christian David. Les poèmes de Christian David étaient lus par Anne Dupuis. Mixage Véronique Amiot, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.